Je n'écoute Les fiançailles de ma chère Elspeth avec le prince de Mantoue. Je vous annonce aujourd'hui l'arrivée de ce prince. Que ce soit un jour de fête pour tout le monde. Que le peuple passe la nuit dans les divertissements. Rutaine, où est ma fille? Pourquoi ne l'ai-je pas encore vue aujourd'hui? Est-elle triste ou gaie de ce mariage? Il m'a paru que le visage de la princesse était voilé de quelque mélancolie. La mort de Saint-Jean l'a contrariée. La mort de mon bouffon, d'un plaisant de coup bossu et presque aveugle. La princesse l'aimait. Dis-moi, Rutaine, as-tu vu le prince? Quel homme est-ce? Non, sire, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il passe pour le meilleur des rois. Ah! Pourquoi faut-il que je sois obligé de sacrifier ma fille à des raisons d'État? Diable est Don Fantasio? Attendons-le et ne faisons rien sans lui. Chut! Voilà un chapeau rabattu qui flaire quelques nouvelles. Je suis étranger, messieurs. À quelle occasion cette fête? La princesse Elspeth se marie. Ah ah! C'est une belle femme, à ce que je présume. Aimée de son peuple, si j'ose le dire, car il m'apparaît que tout est illuminé. Heureuse la princesse qui sait se faire aimer de son peuple. Des lampions allumés ne font pas le bonheur d'un peuple. Cela n'empêche pas la susdite princesse d'être fantasque comme une bergeronnette. En vérité, vous avez dit fantasque? Je l'ai dit, cher inconnu. Bonsoir, merci. À qui on veut cette espèce d'Italien? Ils sont l'espion d'une lieue. Ils ne sont rien du tout. Il est bête à faire plaisir. Voilà Fantasio qui arrive. Qu'a-t-il? Il se dandine comme un conseiller de justice. Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse lubie mûrit dans sa cervelle. Joli. Eh bien, que ferons-nous de cette belle soirée? Prendre la taille aux filles, tirer les bourgeois par la perruque et casser les lanternes. Je n'en suis pas. Oh, que cela m'ennuie que tout le monde s'amuse. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours, c'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi et que si je mets un pied dans ma maison, il arrivera 4 estafiers qui me prendront au collet. Tant pis, donnez-moi un verre de ça. Hola, ohé, à boire. Messieurs, je viens vous prier de bien vouloir aller plus loin. Pourquoi, mon capitaine? La princesse est dans ce moment sur la terrasse. Et vous comprendrez qu'il n'est pas convenable que vos cris arrivent jusqu'à elle. Voilà qui est intolérable! Qu'est-ce que cela nous fait aller rire ici ou ailleurs? Qu'est-ce qui nous dit qu'ailleurs il nous sera permis de rire? Vous verrez qu'il sortira de tous les pavés de la ville un drôle en habit galonné pour nous prier d'aller rire dans la lune. La princesse n'a jamais fait un acte de despotisme de sa vie, que Dieu la conserve. Si elle ne veut pas qu'on rire, c'est qu'elle est triste. Ou qu'elle chante. Laissons-la en repos. Thank you. Regarde-toi, la jeune fille. Quel astre contemples-tu là? La lune. Vois comme ce clair de lune est manqué. Regarde-moi un peu ces 4 ou 5 petits nuages. Je faisais des ciels comme celui-là quand j'avais 12 ans sur la couverture de mes livres de classe. Que c'est l'Asphac, c'est une romance française. Elle ne m'est jamais venue à l'esprit sans me donner l'envie d'aimer quelqu'un. Si tu étais amoureux, tu serais le plus heureux des hommes. L'amour n'existe plus, mon cher ami. Vive la nature, encore du vin. Tu vas te griser. Je vais me griser, tu l'as dit. Il est un peu tard pour cela. Qu'appelles-tu tard? Midi est tard. Minuit est-ce de bonheur? Où prends-tu la journée? Tiens, Spock, allons prendre la lune avec les dents. Je le veux bien. Brave gens, au monde. Que je prenne la place de Saint-Jean, a-t-il dit? Voilà une insolence. Il n'y a là rien d'insolent. C'est un conseil d'ami que m'a donné cet homme. Tu vas te faire bouffon de la cour? C'est de nuit même, si l'on veut de moi. On te reconnaîtra, et les laquais te mettront à la porte. Comme tu es bête! Je mettrai une bosse et une perruque rousse comme la portait Saint-Jean, et personne ne me reconnaîtra. Hé, brave homme, ouvrez-moi! Que demande votre seigneurie? Est-ce vous qui habillez Saint-Jean? Oui, monsieur. Vous le connaissiez? Vous savez de quel côté était sa bosse, comme il frisait sa moustache et quelle perruque il portait? Monsieur veut rire. Homme, je ne veux pas rire. Entrons dans ton arrière-boutique. Et si tu ne veux être empoisonné demain dans ton café au lait, songe à être muet comme la tombe sur tout ce qui va se passer ici. Eh bien, Marinoni, mélancolique, fantasque, soumise à son père. Vous pensez donc, mon ami, que le caractère de la princesse vous est secrètement connu? Mais oui, Altesse. J'ai parcouru les alentours du palais et ces tablettes renferment les principaux traits des conversations dans lesquelles je me suis immiscé. Regarde, il me semble que je suis poudré comme un homme de la dernière... Là, l'habit est magnifique. Que dirais-tu, Marinoni, si tu voyais ton maître revêtir un simple frac vert olive? Son Altesse rit de ma crédulité. Non, colonel, apprends que ton maître est le plus romanesque des hommes. Romanesque, Altesse? Médite un projet d'importance, un projet d'importance. Je conçois un dessin surprenant, un dessin surprenant. Nul mortel de ma naissance, de votre naissance, de ma naissance, et du nombre de mon rang, de votre rang, de mon rang, n'en a jamais fait autant. À la cour princière du roi mon beau-père, à la cour de son beau-père, près d'un habillé mon aide de camp, quoi, sous l'habit d'un aide de camp, sans qu'il y soupçonne, soupçonne, quelle est ma personne, personne. J'arrive, je veux, il faut tout voir à mes yeux, parce que j'arrive, je veux tout voir, tout voir à mes yeux. Par mes yeux. je médite projet d'importance. Un projet d'importance. Je conçois un dessin surprenant. Un dessin surprenant. Nul mortel de ma naissance. De votre naissance. De ma naissance. Éminome de mon rang. De votre rang. De mon rang. N'en a jamais fait autant. N'en a jamais fait autant. N'en a jamais fait autant. Ce que de ma race, qu'est-ce qui vous embarrasse? L'éclat radieux s'unit dans mes yeux. Oui, son éclat se lit dans vos yeux. Par quel art ton maître pourra-t-il paraître? Sa précise est-elle qu'un simple mortel, la mortel? Sans aucun précise est-elle qu'un simple mortel? Qu'un simple mortel? Que simple mortel? Solidite projet d'importance. Un projet d'importance. Je conçois un dessin surprenant. Un dessin surprenant. Une mortelle de ma naissance. De votre naissance. De ma naissance. Et l'homme de mon rang. De votre nom. De mon rang. Une seule chose me paraît s'opposer au dessein de votre Altesse. Si elle est confondue parmi l'état-major, à qui le roi de Bavière fera-t-il les honneurs de la raison? Il faut que quelqu'un prenne ma place. Mais comment peux-tu croire que je consente à élever jusqu'à mon rang un homme quelconque? Ah, ce n'est pas sans peine que je renonce à mon projet. Pénétrer dans cette cour nouvelle, approcher de la princesse sous un faux nom, et peut-être m'en faire aimer. Oh, j'ai une idée, je ne saurais y résister. Marinoni, Altesse, viens essayer mon habit de cérémonie. Car il n'en est pas de plus belle. fait-il de passer le temps tout entendre et tout dire? On est de graves courtisans, se fait mettre de rire. Et en poufleurant des grelots, pour cette une marotte, rien les méchants et les hérétiques qui s'y frottent. Rions, rions, les sons des fous, des agréables, le son des fous et trop heureux. Et il un homme raisonnable qui n'est m'a changé à tes queues. Et il un homme raisonnable qui ne m'a changé avec eux. Thank you. Saint-Jean. Dire que le pauvre homme s'en est allé la veille de vos fiançailles. Ne me parle pas de mon mariage. Cela est cruel quelquefois de n'être qu'une fille de roi. Mon père est le meilleur des hommes. Le mariage qu'il prépare assure la paix de son royaume. Quel malheur que des traités de paix se signent toujours avec des larmes. Si Saint-Jean était là. Mon Saint-Jean, Saint-Jean. Vous l'aimiez beaucoup. Cela est singulier. Son esprit m'attachait à lui avec des fils imperceptibles qui semblaient venir de mon cœur. Voilà les pages qui vont et viennent. Je crois que le prince ne va pas tarder à se montrer. Oui, c'est bien loué, chère princesse. Voilà que passe mon époux qui, dans sa jalouse tendresse, veut vous emmener loin de nous. Veut vous emmener loin de nous. La voilà donc cette princesse dont il s'est servi de lui. En quelle place à chaque place qui en serait jaloux. Baiser cette main charmante, madame, si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. Votre Altesse m'excusera. Je la verrai, je pense, d'une façon plus convenable à la présentation de ce soir. La princesse a raison. Voilà une divine pudeur. Quelle est donc cette aide de camp qui vous suit comme votre ombre? Il m'est insupportable de l'entendre ajouter une remarque inepte à ce que nous disons. Envoyez-le, je vous prie. Je comprends, madame, les alarmes que doit jeter dans le cœur d'une jeune princesse la vue de son futur époux. Mais moi, qui ne suis rien, hélas, oserais-je solliciter la grâce de vous baiser la main avec le respect d'un simple officier et d'un humble sujet de votre Altesse? Je ne suis pas encore princesse de mon tour, mon cher monsieur. Si vous ne renvoyez cet animal, je vais le congédier moi-même. Colonel, je vous prie de vous retirer. Vos remarques sont indiscrètes et vos paroles impertinentes. Un affront public, à moi. Cet aide-de-camp est un imbécile, mon ami. Que pouvez-vous faire de cet homme-là? Poussons quelques pas plus avant, si votre majesté le permet. Je crois apercevoir un kiosque tout à fait charmant dans ce bocage. Permettez de grâce à un fidèle serviteur de votre futur époux de vous offrir les félicitations sincères. Que me voulez-vous, mon cher monsieur ? Je vous ai vu seul. J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous offrir ma compagnie jusqu'à la poterne. Je vous suis obligée. Rendez-moi le service de me laisser tranquille. Je n'aurais peut-être pas dû lui parler si vivement. Il le fallait pourtant, puisque je dois supplanter Marinoni. Mais la réponse est désagréable. Aurait-elle un cœur dur et faux? Il faudra sonder adroitement la chose. Eh bien, prince, êtes-vous content de moi? Tu n'es qu'un sot, colonel. Je te confie le plus grand projet, et toi, mon plus fidèle serviteur, tu entasses bêtise sur bêtise. Considérez, Altesse, qu'il faut cependant que je sois le prince ou que je sois l'aide-de-camp. Ce sont vos ordres. Il suffit! Rends-moi mon habit. En vérité, je ne sais que résoudre. D'un côté, je suis furieux de ce qui m'arrive, et d'un autre, je suis désolé de renoncer à mon projet. Viens, réfléchissons à tout cela. Que ferai-je, Altesse? Remets-le et rentrons au palais.